échangeurs d'ailleurs avec vous jusqu'à 22h. L'équipe habituelle est en place. Michel Barco au microphone et Jean-Philippe Boisbriand au reste. Tout le reste. Et aujourd'hui, on a quoi? Du François Hardy pour commencer dans un bloc plutôt francophone. Genre, comme on dit maintenant, au complet. Ensuite, on s'en va plutôt vers de la musique autre. Voilà. Et on termine avec plutôt de l'africain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y aller tout de suite? Ben, on y va maintenant. Elle avait la montagne, et comme une petite fille, elle pleurait Madeleine, des larmes de crocodile. Ses larmes étaient salées, elles coulaient dans sa bouche, et lui s'en régalait. Madeleine restait farouche. Madeleine que j'aime, tes larmes de croco, toutes fraîches les lèches. Oh, elle coule à flot. Son rimel et le sel de la mer. Le gourmand ignorait que ses larmes étaient toxiques. C'était de l'acide citrique et l'amoureux en mourait. Madeleine que j'aime, tes larmes de croco, fraîche les lèches. Oh, elle coule à flot. L'amour ignorant que ses larmes étaient toxiques, c'était de l'acide citrique, répétait en mourant. Madeleine que j'aime, tes larmes de croco, fraîche les lèches. Oh, elle coule à flot. Madeleine que j'aime, tes larmes de croco, toutes fraîches les lèches. Oh, elle coule à flot. Un autre vide en échange d'une personne vide. piétine, une étoile t'est tombée des mains. Tu la regardes partir loin. Les étoiles s'affilent pour de bon. Maintenant, elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi. Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements, où la lumière brillait pour personne. Mais ça fait drôle de penser à ça, déshabillons-nous plutôt. Comment tu t'appelles? Mais ça fait drôle de penser à ça, déshabillons-nous plutôt. Comment veux-tu que je m'appelle? c'était le temps des commencements. Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien. Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements. Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien. Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements. Où la lumière brillait pour personne. Mais ça fait drôle de penser à ça. Déshabillons-nous plutôt. Comment tu t'appelles? Mais ça fait drôle de penser à ça. Déshabillons-nous plutôt. Comment veux-tu que je m'appelle? Ben, ça commençait comme ça, les échangeurs d'air pour cette semaine. D'abord avec Françoise Hardy, qui nous faisait Le Temps des Souvenirs sur un album qui s'appelle L'Amitié de 1965. Elle avait un tout petit 21 ans à peu près à l'époque. Françoise Hardy, longue carrière aussi. Continue, je savais pas qu'elle écrit aussi des livres d'astrologie, des trucs comme ça. Ce que j'ignorais totalement et je ne m'en portais pas plus mal. Sonoko nous faisait Marianne Bad sur un album qui s'appelle La Débutante de 87. Sonoko qui était une belgio-japonaise qui a longtemps travaillé à Paris, puis à un moment donné trouvé que sa musique prenait pas la voie qu'elle pensait, alors elle est retournée à Kyoto comme ça pour, et depuis ce temps-là ben, on n'a pas eu d'autre matériel. Un truc, pardon. Angers, comment ça s'appelait donc? Excusez-moi. Je vais le retrouver tout à l'heure. Angers, quelque chose. Ah, voilà. Les anges et les bonheurs. Voilà. Qu'on a vu après. The Conquidouette nous faisait On dort mieux quand il pleut sur un album qui s'appelle Il fait tout gris. Il fait tout gris de Conquidouette. Excusez-moi, tantôt j'ai fait plein de recherches en changeant tout ce qu'il y avait de bord. Zoé Wolf, Kumi Okamoto, qui ont commencé en 2002 avec un album, un premier morceau qui s'appelait In the Trees. Puis tout à coup il est arrivé une violoniste aussi qui s'est joint à eux. Et depuis ce temps-là, est-ce qu'elle continue encore, Jean-Philippe? Conquidouette? On pense que non. Mais beaucoup de bonnes choses et vous savez, ben évidemment, si vous écoutez l'émission régulièrement, qu'on en a mis quand même assez souvent, Conquidouette, un groupe très charmant et très chouette. Julien Gasque, Tu m'as quitté sur Serre, Biche et Fan de 2014. Julien Gasque que vous pouvez entendre ici souvent parce qu'on met du Aquaserge. Puis il y avait une espèce, on dit qu'il y avait une espèce d'urgence dans ce disque en 2014, où est-ce qu'il tournait la page sur quelque chose. Mais beaucoup de trucs plaisants de Julien Gasque, dont les trucs d'Aquaserge. Puis il a collaboré avec Stereolab, Catherine Burgala, April March, sortes de choses, un musicien fort complet. Et ensuite, nous sommes passés à Stereo Total qui nous faisait L'Arme Toxique sur My Melody de 1999. Stereo Total avec Françoise Cactus et Brazel Goring. Qui des fois sortent de notre univers normal. Ça peut arriver avec le Stéréo Total. Et nous avons continué avec Serge Gainsbourg qui nous faisait Manon sur La Femme d'abord, La Femme groupe belge Non, c'est ça, de Biarritz, Bretagne, Marseille et Paris. Voilà, la femme. Puis, donc, le fondateur du groupe, Sacha Gold, joue de la guitare et du térémine, qu'on ne retrouve pas si souvent que ça dans les groupes pop, rock, surf, new wave, rock, électro et punk rock. C'est ce qu'on dit qu'ils font. Ils sont depuis 2010, voilà, je cherchais depuis quand ils existent. Ensuite, Serge Gainsbourg nous faisait Manon. Oui, sur Jane Birkin, Serge Gainsbourg de 1969. Et nous avons terminé avec un truc de Halt qui va sortir vendredi, en fait. Mais comme il y avait 3 chansons en pré-vente, Jean-Philippe s'est précipité pour nous acheter la pièce « Les commencements » sur un album qui porte un très joli titre, très fort évocateur, « Soleil enculé ». Voilà, c'est une des bonnes façons de décrire ce que Jean-Philippe pense du soleil, finalement, ou peut-être quelqu'un d'autre, ou eux. Héloïse Decaze avec Sing Sing et des fois Mock à la guitare aussi, qui sont des Français. Et ensuite, on s'en va où? On s'en va vers d'autres musiques. Thank you. Thank you.

gleiche Form statt harter Stahl. Das ist, wonach alle streben, Plastik lässt dir keine Wahl. Plastik. neue Mode, niemand steht da gern zurück. Man geht heute nicht mehr ohne Plastik, billig, leicht und schick. Plastik. C'est sur cette jolie version des Parapluies de Cherbourg de Vincent Bell que je vais pouvoir m'exprimer. Waouh, c'est quand même quelque chose. Hein, vous avouerez avec moi que ce n'est pas rien. Tam Tam, c'est une pièce de Codec avec Daniel Baldelli et Marco Dionigi. C'est un remix B sur Tam Tam Remixes de 2019. Donc Tam Tam, c'est en fait Codec qui s'appelait... Jean-Marie Salon, qui est né, en fait, qui a grandi à Paris, puis qui a même travaillé, à un moment donné, sur la pièce Pop Music avec Robin Scott, et à un moment donné, il a changé un peu de style, il faut croire. En fait, il enregistrait pas loin de la place Beaubourg, sur la place en face de Beaubourg, puis il a entendu des percussionnistes du Burundi, et il a commencé à faire des trucs avec ça, comme ça, avec il a pris un des percussionnistes, Georges Atta Dicalo, il a ajouté de la voix, une voix de caribéenne, ensuite il a ajouté Claude Arthaud, puis ça a donné ça, puis beaucoup de bonnes choses dans ce bloc qui était plutôt krautrock, disons-le, Jean-Philippe. Jean-Philippe hoche la tête de gauche à droite et de droite à gauche par la suite. Mais c'était krautrock. Bon, pas cette version des Parapluies de Cherbourg qui n'est pas krautrock. Neustrassen, c'était Metropact sur une compilation SNX de 1985. Metropact, il y a pas grand-chose à dire sur eux si on va voir les renseignements comme ça. Il y a Jorge Guber et Krishna Guano. Mais ils vont revenir dans un instant. Ensuite, on est passé à Instant Music, mais c'est pas eux l'instant. L'instant, ils vont revenir dans Vélodrome. la pièce s'appelait My Boy de Instant Music, c'est Instant Music de 1981, qui est un groupe de Munich avec Bernd Scholl, Mike Auer, Marion Seckmann, puis ils ont commencé en 80, puis ils sont inspirés un peu de effectivement de Kraftwerk et de ce Velvet Underground, toutes sortes de choses. Je pense qu'ils ont pris des conseils auprès de certains. Est-ce que c'est eux? Oui, c'est ça. J'étais en train de regarder. Ils ont bien fait des affaires finalement pour produire ça. Puis ça a été tout remixé, remasterisé par George Horn à Berkeley, comme ça. Puis au départ, je pense qu'ils avaient fait 1000 copies ou quelque chose du genre de leur disque. C'est pas celui-là. Je suis vraiment mêlé ce soir. Excusez-moi. J'ai des articles qui se ressemblent tous comme ça. Puis je les lis. Puis là, tout à coup, je me dis « Ah, mais c'est pas eux! C'est pas eux! » Puis je vous parle de quelque chose d'autre. Mais en fait... On ne peut qu'ajouter à la confusion en faisant des choses comme ça. Instant Music, on n'en a pas réentendu parler par la suite. Je pense que ça a disparu, mais ils ont continué, chacun de leur côté, à faire de la musique. Vélodrome nous faisait Vélodrome 141 sur Vélodrome 141 de 1988. Et c'est là que reviennent nos amis Jorge Guber et Krishna Guano. En fait, Jorge jouait de la guitare à Barcelone, puis tout à coup, il a changé de façon de faire. Ils ont travaillé, donc, cet album, c'est un mix entre eux et Liaison Dangereuse, aussi, qui nous a donné cet excellent résultat, aussi, qui datait de, 88, oui, ça a été enregistré plutôt en 87. mais c'est vraiment très chouette. Et Kane Hanoun faisait Plastique, c'est chic, sur Kane Hanoun de 1983. Et c'est lui, justement, qui avait sorti 1000 copies de cet album, mais sauf que c'est devenu extrêmement populaire, puis ça a changé légèrement sa vie. Eux, ils viennent de Worth am Rhein, sur il y avait Rolf Schmuck, Franz and Rodenkirchen, Ike Fuch et Olaf Schumacher, avec Hermann Kopp aussi de Stuttgart, qui était un ami du groupe, qui les a aidés à composer. Et effectivement, ils se sont retrouvés à faire cet album-là avec leur petit studio comme ça, puis à enregistrer très très rapidement. C'est pour ça qu'ils ont fait une musique simple, électronique, comme ça, parce que ça demandait pas beaucoup de temps. Et finalement, ils se sont retrouvés avec un succès. Ça peut arriver d'avoir des succès comme ça, tout à coup. Et ensuite, on s'en va dans quel coin? On s'en va en Afrique avec Haruna Ifola, King Sonny Yadé, Francis Bébé, qui est un habitué de l'émission, Bantu Mental, je sais pas qui c'est, et Pierre Guenders et Moonshine, et toutes sortes d'autres choses. Bell back on Yeah. Godzilla. Toco kipeko sepela loco la bango. Mokoloni limana ya Afrika bitubai koki peko sila. Toco kipeko sepela loco la bango. Toco kipeko sepela loco la bango. Toco kipeko sepela loco la batonioso. Toco kipeko sepela loco la bango. Toco kipeko sepela loco la batonioso. Toco kipeko sepela loco la bango. See you. Ozo banasima Ngongi betito pona banzela ya sika Baina, tolanda, talaguna, izomela Baina, tolinako, bangonguna, bazolanda L'homme le plus sage de la terre, Dobsaga nous a dit que le travaillement vient toujours avant l'enchaînement. Moninga lama, olinginini, telema, kusana pembe ni ningi saloketo kolembate, yaka, toke. Nous allons danser, c'est ça. Toujours après le travaillement, bien sûr. Adieu les ennuis du passé, célébrons l'avenir ensemble. Maintenant place à l'enjaillement. Baninga, Tolanda, Talakuna, Isopela, Baninga et Tobinako, Bangokuna, Bazolanda. C'est ainsi que ça se termine pour nous. Alex est là pour vous faire l'agression par le son. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer Late Matthew Toy. C'était Haruna Ishola and his Appala Group sur Appala Messenger de 2001. Haruna Ishola Bello. Qui est membre de l'ordre du Niger aussi, qui est un musicien nigérien, qui est un spécialiste de la musique Appala. Le genre de musique qu'on joue, c'est développé par des musiciens amateurs après le Ramadan. C'est très très intéressant et très bon aussi. Sonity de Aria, c'est King Sonny Ade and his African Beats sur Juju Music. Longue carrière de King Sonny Ade qui s'est promené un peu partout. Lui aussi nigérien qui est né Oshogbo et qui a introduit beaucoup de choses dans la musique africaine et qui a introduit beaucoup de choses dans la musique occidentale par le fait même. Mais il y a aussi, il faut souligner la pedal steel guitar aussi et toutes sortes de trucs. Tout à l'heure, ce qu'on avait, il y avait des percussions avec ce qu'on appelle le talking drum et la basse, tout ça, c'est une espèce de truc, ça, c'est planant et rythmé en même temps. Ça arrive à être planant et rythmé, ce qui est un bon mix. Francis Bébé nous faisait tout mou Pacara sur Psychedelic Stanza de 1982 à 84. Francis Bébé qu'on a mis très très régulièrement quand même. On est passé à Bantu Mental qui nous faisait United Blood sur No Romance EP de 2019. des musiciens noirs et un Irlandais qui vivent à Paris et qui font des trucs vraiment excellents. Et nous avons terminé avec Doc Saga, c'est Pierre Kwenders et Moonshine sur Doc Saga, un single de 2018. Et lui, c'est un Montréalais d'adoption qui est né à Kinshasa. Et on en avait mis déjà, mais je pense qu'il faudrait en mettre plus. Il arrive à vraiment mélanger les styles, à faire toutes sortes de choses qui sont exactement dans le genre de l'émission. C'est parfait pour nous, ça, notre ami qui... Excusez-moi, c'est ça, Pierre Kwenders, puis qui s'appelle en fait José-Louis Modabi. Voilà, et c'est tout pour nous, pour le vrai. Je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.